sûr, tant à se sent pareil. Je voudrais rêver le moment de découverte, de plaisir. Ignorer le prix du temps, briser l'angoisse et la bannir. Je vois plus loin que mon cœur qui s'éteindra bon matin, fatigué après bien des efforts. Sans la douleur et le chagrin de ceux qui m'ont aimé si fort. Je voudrais tant vous redonner tous les bonheurs et les trophées, les médailles de nos victoires qui me rappellent notre histoire. Je ne pourrais plus cependant vous regarder m'abandonnant à la solitude irrémédiable, plutôt donner mon âme au diable. Je vois plus loin que mon cœur s'éteindra bon matin, fatigué après bien des efforts, à conjurer de noirs destins. Je vivrai bien après ma mort, car pour moi elle ne serait rien sans la douleur et le chagrin de ceux qui m'ont aimé si fort. Je vois plus loin que mon cœur qui s'éteindra bon matin, fatigué après bien des efforts, à conjurer le noir destin. Je vivrai bien après ma mort, car pour moi elle ne serait rien sans la douleur et le chagrin qui m'ont aimé si fort. Je voudrais revivre encore mes souvenirs, mes vies, mes torts, et croire qu'être éternel est une tentation sans pareil. Je voudrais réécrire des moments de découverte et de plaisir, ignorer le prix du temps,